Audiomatic. La transmission 198 d'Audiomatic s'amorçait avec le groupe français Trisomie 21 et la pièce In Something in Motion de leur avant-dernier album Black Label. Si la parole est une obligation pour affirmer l'existence d'Audiomatic, la musique est une nécessité pour en perpétrer les transmissions à travers le temps. Come on. Nessa triste melodia que ainda alegra esse quintal. Rezo para que um dia se tropece nesse samba e mereça essa folia. Para que ignorar? Você é dessa quebrada, a mais quente do planeta. Se tu não nasceste errado, vai tremer a tua alma quando entrar a bateria. Brincadeira de essa triste melodia que ainda alegra esse quintal. Rezo para que um dia se tropece nesse sino e mereça essa folia. Para que ignorar, você é dessa quebrada, a mais quente do planeta. Se não nasceu errado, vai tremer a tua alma quando entrar a bateria. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. En conclusion de cette séquence musicale, c'était l'artiste brésilienne Luisa Maita et sa pièce Folia tirée de son plus récent album Fio da Memoria. Avant Luisa Maita, nous entendions la composition Stay, issue d'une collaboration entre Ignacio Briceño et le projet Hail Up de l'artiste Alejandra Cárdenas. Collaboration qui se matérialise tout au long de l'album intitulé The Way of Love. Et on débutait la séquence avec la formation Beach House et sa pièce Lemon Glow tirée du plus récent album qui se nomme Seven. L'enchaînement musical audiomatique est assuré à l'instant par le groupe australien The Church. Thank you. Nous entendions à Audiomatique le rappeur américain A$AP Rock et la pièce instrumentale Forest Crunk qui a été produite par nul autre que Blockhead sur le mini-album Daylight paru en 2002. Précédemment, on avait droit au projet français Mlada Fronta et sa composition KLM, tirée de l'album Polygon, et en début de segment, il s'agissait de la formation The Church avec la chanson Could Be Anyone de leur 10e album studio Magician Among the Spirits and Some. Audiomatique, le jazzman Sonra nous fait part de ses expérimentations avec le synthétiseur Moog à travers une de ses pièces composées dans les années 70, soit Moonlight Journey. Thank you. ears are whispered, pocket-sized mail hits out. One, twice. My guns keep on cold ice. Stop twice, think twice. My guns keep on cold ice. Calling home, it's like a softening. Recognize our whisper. Stop once, suck twice. My guns keep on cold ice. nous terminions une séquence musicale qui nous ramenait dans les années 70 et au début des années 80, d'abord avec le groupe Cabaret Voltaire, de qui nous écoutions la pièce Golden Halo, parue sur l'album The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord, sorti en 1985. Avant Cabaret Voltaire, c'était la collaboration entre deux grands noms de la musique électronique et contemporaine, à savoir Brian Eno et David Byrne. Ceux-ci nous livraient la pièce Curran de leur album collaboratif My Life in the Bush of Ghosts, paru en 1981. Et avant cela, on remontait encore un peu plus loin dans le temps avec Sun Ra et une de ses compositions réalisées avec le synthétiseur Moog, soit Moonlight Journey, qu'on retrouve sur son album Cosmos, réalisé en 1976. Nous l'avons découvert lorsqu'il œuvrait au sein du duo suédois de Northern Territories dans les années 90, puis, par la suite, en solo dans les années 2000. Nous conclurons cette transmission 198 d'Audiomatic avec John Alexander Erickson et sa chanson de Twilight Star qui apparaît sur l'album Black Clockworks, lancé en 2006. Ne manquez surtout pas la transmission 199 d'Audiomatic pour avoir droit à une autre heure de musique électronique mercredi prochain dès 17h. Et si ce futur vous paraît lointain, le passé sera très certainement vous accommoder grâce à l'archivage des 197 transmissions précédentes disponibles par le biais de nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici John Alexander Erickson et sa pièce de Twilight Star. C'était Audiomatic avec les électronistes.